Chapitre 2e. Un convoi d'hommes de couleur. Attaque. Mauvais traitement. Incident de voyage. Comment les abolitionnistes ont accueilli à Weston. À la fin de 1858 et au commencement de 1859, ces criminelles violences prirent un tel caractère que les citoyens de Lawrence, se reconnaissant impuissants à protéger les hommes de couleur qui s'étaient réfugiés chez eux, se décidèrent à les transporter dans l'Iowa pour les mettre en sûreté. On fit une collecte pour subvenir aux frais du voyage et le docteur Doyle fut prié d'accompagner un de ses convois jusqu'à Holton dans le comté de Calhoun. On prépara deux fourgons dont l'un appartenait au docteur et était traîné par ses propres chevaux. On y emballa des couvertures, des lits, des ustensiles de campement, des armes et des provisions. L'expédition se composait du docteur, de son fils aîné, Charles, âgé de 25 ans, d'un jeune homme nommé Clow, chargé de la conduite d'un des fourgons, enfin de 13 personnes de couleur, dont 8 hommes, 3 femmes et 2 enfants. On partit le 25 janvier 1859 au point du jour et on se dirigea vers Oskaloosa. On n'était qu'à 8 milles de cette ville lorsque le docteur, ne soupçonnant point de danger, engagea les hommes qui jusque-là avaient marché à monter dans les fourgons. Un peu plus loin, la route, faisant un détour, passait au pied d'une colline devant un bouquet d'arbres. Parvenus à cet endroit, les voyageurs furent soudain arrêtés par une bande de 20 cavaliers armés qui, braquant sur eux leurs carabines, leur ordonnèrent de s'arrêter. Charles Doyle voulait se défendre, mais le docteur, voyant l'impossibilité de la résistance, mit pied à terre et s'approcha des assaillants pour parlementer. Au premier coup d'œil, il reconnut parmi eux 5 individus d'une réputation détestable et ne put conserver de doute sur le sort qu'on lui réservait. Il resta calme pourtant, malgré les fusils braqués sur lui et les menaces de mort qu'on leur proférait. Il se contenta de demander aux agresseurs s'ils avaient quelque ordre pour justifier une arrestation si arbitraire. Pour toute réponse, les Missouriens redoublèrent leurs injures et lui frappèrent le visage de leur revolver. Cependant, l'un d'entre eux lui offrit $500 s'il voulait conduire sa troupe d'hommes de couleur à Rialto Ferry, sur le fleuve du Missouri, vis-à-vis de Weston, proposition que Doyle repoussa avec énergie. Une partie de la bande s'avança ensuite vers les fourgons, fit descendre les voyageurs et les enchaîna. On voulut lier aussi Doyle et son fils, mais devant leur ferme attitude, on y renonça. Seulement les ravisseurs déclarèrent que pour n'être pas dénoncés et poursuivis, ils allaient les emmener avec eux jusqu'à Rialto Ferry et que là on les relâcherait en leur restituant ce qui leur appartenait et même en leur donnant de l'argent s'ils voulaient l'accepter. Toute résistance était inutile, il fallut marcher. Après quelque temps, Doyle, ayant détaché les liens de 2 des hommes de couleur en soutenant qu'ils étaient libres, ce nouvel acte d'énergie irrita les ravisseurs. Les uns déclarèrent qu'il fallait en finir et le tuer, les autres, désireux seulement de se mettre à l'abri de toute poursuite, le firent remonter à cheval, et ayant réintégré les hommes de couleur dans les fourgons, se dirigèrent en toute hâte vers Leavenworth. Bientôt la roue d'un des fourgons se brisa. On entassa tous les voyageurs dans l'autre, qui était celui de Doyle, après avoir jeté à terre les vêtements et les provisions qu'il contenait. Doyle réclama en vain contre l'abandon de tous ces objets qui lui appartenaient. On lui promit seulement d'envoyer quelqu'un pour les chercher, et tous les chevaux ayant été attelés au dernier fourgon, on repartit précipitamment. À la nuit tombante, le timon de ce fourgon se cassa. On était encore à 2 milles de Leavenworth. Il fallut aller à la ville chercher une autre voiture. En l'attendant, les ravisseurs conduisirent les prisonniers dans des buissons voisins de la route, les entourèrent et menacèrent de tuer celui qui parlerait de manière à donner l'éveil aux passants. La nuit était très froide. Ils restèrent dans cette situation jusqu'à minuit. Un fourgon de louage étant enfin arrivé, on laissa sur la prairie celui de Doyle, qui fut perdu pour lui avec tout ce qu'il contenait. On atteignit Rialto Ferry sans nouvel incident. Un feu de joie brûlait sur le rivage. Une troupe de Missouriens armés et à cheval semblait attendre le retour de l'expédition. Comme on avait promis aux 3 Blancs de ne pas les emmener plus loin, Doyle refusa nettement de monter sur le bateau. On voulut l'y contraindre, et la scène aurait certainement pris un caractère extrême de violence, sans l'intervention de celui qui, au moment de l'arrestation, avait déjà offert $500 au docteur s'il consentait à les suivre de bonne volonté. Ce personnage déclara qu'il était Benjamin Wood, maire de Weston, ce qui fut confirmé par plusieurs passagers. Il engagea Doyle à céder et lui promit, sur sa parole et sur son honneur, de lui donner une bonne chambre, de le bien traiter et de lui rendre le lendemain matin sa liberté et tous ses effets. Cette assurance décida le docteur à s'embarquer avec son fils et Chloe. L'accueil qu'il attendait à Weston ne tarda pas à le désabuser. Une populace exaltée couvrait les quais. Le son des cloches, les coups de fusil et de pistolet se mêlaient aux cris et aux imprécations contre les hommes de couleur et les abolitionnistes. On entassa tous les prisonniers dans le fourgon, à l'exception du docteur, qu'on fit remonter à cheval. Puis les ravisseurs, escortant leur capture, parcoururent pendant une heure les rues de la ville. Sur nos pas, dit le docteur, les cris s'élevaient immenses, furieux. La foule se pressait contre mon cheval et contre moi. Elle déchira l'habit que je portais. Les pans et les manches en furent mis en pièces, et les morceaux distribués dans la populace comme autant de reliques d'un abolitionniste vivant. Ainsi poussé, meurtri, frappé, insulté, accablé de toutes les indignités que l'on puisse imaginer, au milieu des cris de « Pendez-le, pendez-le, ce damné voleur de nègres, brûlez le maudit abolitionniste, etc. » Il nous fallut subir le rôle de vaincu dans cette ovation en faveur du démon cruel et sanguinaire de l'esclavage, ovation bien digne de lui.